Bonjour. Dernièrement, je regarde les choses aller comme tout le monde. Puis là, c'est dépendamment, je me rends compte que j'ai jamais eu la prétention, par exemple, comme certains se disent éveillés, là, être conscient, parce que je me rends bien compte dans ma vie que je suis pas conscient tout le temps. C'est pour ça que j'ai jamais eu la prétention comme aller me dire éveillé ou conscient. Ma conscience, ça s'accroît au niveau de l'observation d'une conscience intégrale par le fait que ça fluctue la conscience, c'est par l'observation de mon inconscience dans le temps puis dans l'espace, dans ma mémoire, dans mon âme, qui fait que ma conscience, ça s'accroît ou pas. C'est par l'observation de mon inconscience que j'intègre du réel. Au fond, le processus, c'est ça. C'est un peu ça, la conscience, dans le sens que c'est en étant mis en expérience qu'au début on a la première forme de conscience qu'on pourrait appeler la conscience psychologique. La conscience psychologique, souvent, ça va se manifester par une constatation avec un délai de notre inconscience, parce que il y a de l'inconnu. Donc à mesure qu'on avance, ben là il y a du connu, c'est ça de la conscience, comment je pourrais dire ça, intégrale. Ce qui est appelé de la conscience intégrale. C'est-à-dire, il va falloir finir par sortir de temps en temps de plus en plus de la conscience psychologique. Parce qu'il y a un délai. C'est un processus, le psychologique. C'est pour ça qu'il y a un délai. C'est le rapport, si on peut dire, l'énergie, votre énergie psychique avec le temps puis l'espace. Comme si ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le plan matériel, ça ralentit l'énergie. La réflexion de tout ça engendre le processus psychologique, c'est-à-dire la conscience, mais au niveau espace-temps. Comme le fait que psychologiquement, on voit un présent, on a un passé, l'expérience, il y a un présent qui est la conscience intégrale supposée être dans le présent, puis il y a le présent spéculatif réfléchi, ce qu'on pourrait appeler la conscience psychologique. Au fond, c'est pas de passer de la conscience psychologique à de la conscience plus instantanée, tant que ça que, au fond, c'est pas d'aller au-dessus, c'est de rester centré. Dans le sens que si ça va aller dans l'étage au-dessus, c'est parce qu'il y a un cercle, si on peut dire. Faut voir ça. Quand on est centré, il n'y a pas besoin d'être au-dessus du psychologique. Le psychologique va être là en même temps. Mais il peut être mis en stand-by. Une vue spontanée de ce qui se passe. Puis là, par la vue, plus que par la réflexion, qu'on intègre de la réalité, la vraie réalité. Rester centré dans le moment présent, c'est une affaire de même. C'est pas une affaire de relaxation, nouvel âge, là. Pas la forme que le nouvel âge a donné à ça, de l'instant présent. C'est quoi ça? L'instantanéité de la conscience, puis l'instant présent réfléchi psychologiquement, c'est pas la même affaire. Il y a une maudite différence. L'observation instantanée de ce qui se passe, pour ça, il faut que les barrières psychologiques tombent. Ou pour l'observation. Au moins pour l'observation, que la conscience, c'est une conscience de sa conscience, c'est de la vraie conscience. L'observation en temps réel de sa propre conscience, en confrontée avec l'expérimental, l'environnemental. Est-ce que le réfléchir l'environnemental pour le projeter dans le spéculatif, c'est-à-dire le plan réflectif, on n'en voit pas nécessairement autant que si justement on se rend compte de la subjectivité de ces mécaniques-là, puis que la conscience psychologique, c'est inférieur à de la conscience de la conscience, on peut dire, de la vraie conscience, qu'il n'y a pas de délai, qu'une instantanéité. Parce que, si on peut dire, on se rend disponible. On se rend disponible. C'est pas en se protégeant du réel qu'on l'intègre. Pour ça, faut qu'il y ait une auto-observation de son émotivité, la mécanique. L'émotivité, ça fait partie de l'animalité, puis ça déforme la vue, si on peut dire, en instantané de ce qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas juste le plan réflectif comme relation avec l'environnemental. Plus on réfléchit des fois trop, plus on se casse la tête, puis plus qu'on perd d'autres facultés, on se désensibilise. C'est paradoxalement, c'est en se sensibilisant au sens vulgaire, comme c'est dit, qu'on se désensibilise d'une conscience qui est supérieure au psychologique. L'être humain réfléchit ce qui se passe pour se protéger psychologiquement à cause de son émotivité. Ce qui vient de son animalité, de son âme dans le sens anima, pas nécessairement juste animal, ça c'est juste ça. Un aspect. Au début, c'est quoi être créatif dans le sens que si on est à l'image du créatif, parce qu'on peut pas être le créatif pur dans le sens que c'est quoi la création, pourquoi il est dit il y a 7 jours, là on voit il y a une structure d'évolution dans le temps. Ça procède par étapes, comme une loi parfaite, si on peut dire. Mais c'est le fait qu'il y a un espace-temps qui fait que c'est obligé d'être un processus. Mais on n'est pas pris pour rester juste dans le processus mental au sens réflectif puis psychologique. En perdant ce qui faisait le centre dans le fond, c'est-à-dire qu'il faut être sensible pareil. Il y a une différence entre être sensible et émotif, à mes yeux. Quelqu'un qui est conscient de son émotivité va la subir bien moins. Les psychismes, si on voit ça comme de l'énergie qui passe à travers des structures, ça veut dire que au niveau de la conscience, ça veut dire gérer en temps réel l'énergie. Il ne faut pas que les structures du mental, c'est-à-dire la pensée réflexive, deviennent des structures qui détournent de l'énergie à la conscience. Les mondes qui sont bien émotifs puis capotes, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça n'a pas le choix d'aller mal. Je parle de comment ça se fait qu'il y a tellement de gens déprimés. Puis, quand on observe, on regarde ça dans le fond, ils n'ont pas de raison. Puis là, la subjectivité, comme c'est des mécaniques inconscientes de protection des structures qui essaient de se préserver en roue libre, si on peut dire, en dehors de la conscience. C'est-à-dire que le psychisme, la conscience, ça devient juste la pointe d'un iceberg, puis il y a toutes des structures sous-jacentes qui sont pas encore intégrées par la conscience, fait que le monde capote. Mais le psychologique, faut pas que ça soit la fin du monde. Ça donne quoi de se casser à la tête, puis d'avoir de la peine, puis dans le fond, perdre de l'énergie. Au début, l'être humain, il est montré, il est dit, il est comme il est dans un jardin. Le temps de l'innocence. Donc, si l'être humain, d'une certaine façon, c'est une sorte de gardien, une sorte de jardinier d'un jardin, puis qui est dans conscience, puis si on peut dire de sa condition de jardinier, c'est-à-dire qu'il y a un plan matériel, puis entre la conscience est supposée coordonner l'énergie. Jusqu'à un certain point, il va falloir que la conscience, un jour, intègre la matière. C'est-à-dire qu'on est censé coordonner l'énergie. L'être humain, s'il est intelligent, puis il est censé être conscient, il est supposé coordonner l'énergie dans sa vie. Essayer de structurer les choses selon les vieilles bonnes vertus, de beau, de bon, de vrai. Quelqu'un qui a de la conscience est supposé vouloir aller vers l'harmonie, coordonner l'énergie, pas s'apitoyer sur son sort en se disant que c'est les lois de la nature qui sont injustes. Ça n'a pas de bon sens. On n'est pas pour s'apitoyer sur les états de fait. C'est pas une excuse pour pas chercher à créer de l'harmonie, comme il y en a beaucoup. Que c'est tirer de l'énergie de la disharmonie. C'est pas normal qu'on soit malheureux. C'est pas normal qu'on se fasse nier en bateau par du monde qui veulent qu'on soit malheureux. Puis la colère de le voir, ça, c'est censé, au niveau d'une conscience intégrale, être transmuté en volonté de mettre de l'harmonie. La disharmonie, c'est rendu qu'à cause du psychologique, ça fait que les gens s'effondrent sur eux-mêmes psychologiquement. Puis c'est jamais de nos temps d'antidépresseurs puis de toutes sortes de choses. À un moment donné, là, ça va faire. On n'a pas le droit d'être malheureux. On n'a pas d'excuses. On est censé agir de façon à mettre de l'harmonie. Quelqu'un qui met de l'harmonie, il est heureux. C'est quoi, dans le fond, la peine? Puis c'est le reflet de la disharmonie psychique, puis il y a de l'énergie qui se perd. C'est pas normal qu'il y ait du monde qui meurt de peine, qui meurt à se droguer. C'est ça l'inconscience, ça c'est de la vraie inconscience. C'est ça de la programmation en roue libre. Puis on peut dire, là on peut être sûr, comme moi je dis, je me donne pas un exemple comme un éveillé, mais en même temps je le sais c'est quoi être endormi. Je suis capable de l'observer dans ce qu'on appelle entre guillemets la société. À ce point-là, au niveau psychologique, la conscience collective, ça va toujours être de l'inconscience, dans le fond. La conscience, c'est d'abord individuel. Ensuite, les consciences se reconnaissent entre elles. Puis là, il y a une addition. Pas une sorte de subjectivité collective délirante qui fait que l'inacceptable est commis chaque jour de faire comme si c'était normal. L'affaire, c'est pas de partir en guerre non plus, puis de devenir des réactionnaires, puis de virer fou avec ça. Ça devrait donner quoi? De créer de la disharmonie, ou d'essayer de tirer de l'énergie de la disharmonie. Ça peut juste rendre malheureux. Dans le fond, on se rend malade, puis on se fait mener en bateau par du monde qui veulent qu'on soit malade. À un moment donné, la colère de tout ça, c'est pas l'affaire de virer fou avec ça. Ça, c'en est quelque chose d'émotif, psychologique. Dans le sens que la conscience est menée par des programmes. C'est pour ça que le monde sont malheureux. Ils sont sur les pilules, sur la drogue, sur la boisson, entre autres. À un moment donné, il va falloir regarder les vieilles formes, puis voir à travers. Se rendre compte que on l'a tout le temps su. Dans le fond, que ça marchait de même. C'est juste que, au fond, c'est pas que c'est si compliqué que ça. La colère, de voir que la disharmonie, ça devrait pas être une excuse pour s'effondrer sur soi-même, jamais. On se doit mieux que ça. Puis, la vie, moi je suis capable d'apprécier la beauté de la vie dans le sens que je vois que c'est intelligent. N'importe qui dirait, ben la vie c'est pas intelligent, ça veut dire qu'il est pas intelligent. La vie c'est intelligent. L'être humain n'a aucune excuse pour son inconscience. De se faire rendre malheureux par du monde qui se pense plus fin que lui.